c'est la même crise. On se prend pas la tête, demande à ce qu'ils jouent. Ah, c'est sûr, c'est une fissure, une allusure, y'a des fissures. Tous déçus comme si un décès. Quand y'a un pote dans la WC, trop pressé, pas la fille bien. Quand tu pars, tu pètes dans les WC. Viens par là, après les gens remix font des salades. Où sont les winners cette année? Quand ils rappent, on dirait ils sont sous un axe. Ils te disent te salam quand ils veulent se faire chaler. Mon fils, vas-y, range ta lame, tu vas finir par chaler. Je rêve d'une vie au Bahamas, chapeau de paille, votre ananas. Vaut mieux vivre les couilles pleines que claquer sa paye au Dallas. Tous les soirs, ça se met sous, ça rêve de baiser Katsumi. Tu cherches 800 tes sous, demande à Karim qui t'a tout mis. Ha ha ha, mon ami, me parle plus de Miami. Je fais une carrière à la Big Ali, chalak, tu quittes le shit à vie. Miami, déjà des gars, je bois de verre, je joue au foot, je crois en D1. Deux sorties sur mon 31, ça marche dessus, je vais en tanker un. Me lèche pas les boules, t'es trop chiant. Regarde pas à travers, t'es un client. Quoi que si, c'est évident. Quand y'a Joule, y'a incident. Pour les petits, ma cité, y'a les Schmitt, va pister. Je suis en buvette, je vais pisser. Si ça m'appelle, demande qui c'est. On est là, posé à la place. Chapeau de paille, pétard à la bouche. Ça fait traver les gazelles qui passent. Quand y'a un bruit, y'a que les flics qui bougent. On est là, posé à la place. Chapeau de paille, pétard à la bouche. Ça fait traver les gazelles qui passent. Quand y'a un bruit, y'a que les flics qui bougent. Il est où le MC, je le prends, je l'efface. Cousin, je déteste les tasses, faut qu'il goûte le schlass. Passe sous le pont, tu verras, tu vas fumer la race. Cousin, j'ai plus la patience, et 2012, j'ai pas le goût de la science. Dans les poches, y'a pas un, mais vraiment pas un. Pour rouler, ça va se fournir de l'essence. Assez, même à la lime, ça fait des crédits. Mais c'est qui s'amuse à faire des tours sur Pépé que de force on va lui faire dire. Ils veulent tous des solos, ça se trimballe couteau pistolet. La première a cassé mon cœur, les autres ont pas su le rafistoler. Peut-être qu'un jour j'arrêterai le rap, désolé, c'est comme ça les potes. En douce, ça veut se faire ta sœur, et ouais, putain de sale époque. Je traîne à la place, chapeau de paille, flash à la main, short de taille. Va voir au quartier si elle est Schmitt, y'a dans ses cas qui ravitaille. Y'a Hossine qui arrive vers 6h. Franco ici, c'est mieux qu'au ciné. Tu peux pas me tester niveau cabras, j'en 50 demande à pifouner. J'ai des ressources quand je vais en Corse, et ouais, des flous, j'en vais encore. Vas-y, camoufle, ils ont la lampeur. J'ai pas un stick, tu veux rouler en Porsche. J'attends la famille, là, je ralentis. Les focus, je les ai ressentis. Free en jean, petite Prada, ça va faire des plans vers la Valentine. On est là, posé à la place. Chapeau de paille, pétard à la bouche. Ça fait tremper les gazelles qui passe. Quand y'a un bruit, y'a que les flics qui bougent. On est là, posé à la place. Chapeau de paille, pétard à la bouche. Ça fait traver les gazelles qui passent. Quand y'a un bruit, y'a que les flics qui bougent. On est là, posé à la place. Chapeau de paille, pétard à la bouche. Ça fait trembler les gazelles qui passent. Quand y'a un bruit, y'a que les flics qui bougent.